Chapitre 1. Croyez-moi, frère Siméon, c'est la fin du monde. Mais non, c'est le commencement du printemps. Et le frère Siméon, jardinier du couvent, montrait de la main le verger fleuri, blanc et rose. On dirait d'une neige égayée d'aurore, les arbres sans feuilles et comme sans vêtements, déjà ornés de leur coquetterie, l'air qui blondit au premier soleil. Or le prieur qui annonçait à son humble ami la fin du monde avait pour déclarer cette rude nouvelle un vif entrain. C'est qu'il donnait le résultat de ses calculs, de ses dialectiques malignes, et trouvait à bien argumenter la consolation d'aboutir à une catastrophe. Les doctrinaires ont même dans le désespoir une allégresse d'orgueil intrépide. Au contraire, le jardinier regardait le printemps avec une douceur de mélancolie telle que la conseille à une homme un peu attentive l'incertitude où l'innocent plaisir nous laisse. « Eh bien, répartit le prieur, c'est le dernier printemps. « Dieu n'aime-t-il plus son ouvrage ?» demanda le jardinier. Le prieur impitoyable répondit, « Le monde finira, cela est écrit dans nos livres. » « Et je le crois docilement, reprit le jardinier, « mais nos livres ne disent pas quand finira le monde. » « Il nous invite à le prévoir. » Et le prieur, avec une impérieuse éloquence, épilogua sur les nombres de l'Apocalypse, d'où il tira sans maladresse la somme des probabilités qui suffisent à un logicien pour être sûr de sa croyance. Il déroula le fil ténu des hypothèses qui doivent, à leurs enchaînements, une apparence de rigueur, et chercha ses preuves dans le fatras des similitudes. Comme Dieu a fait le monde en 6 jours, et le 7e jour ayant accompli son dessein, se reposa, ainsi les millénaires sont les jours du monde. J'y consens, dit le frère Siméon. Et au bout de 6000 ans, le monde ayant accompli son dessein divin aura son tracas achevé, son repos obtenu. Cela, dit le frère Siméon, serait assurément digne d'une volonté amie de l'ordre et de la belle symétrie. Depuis la création du monde jusqu'à notre Seigneur, il y a 5000 ans, et voici depuis notre Seigneur 1000 années bientôt écoulées. Voici la fin du monde. À condition, dit le frère Siméon, que la présente année soit en effet la 1000e après la venue de notre Seigneur. Ah, ça, s'écria le prieur, en doutez-vous? Le frère Siméon sourit dans sa grande barbe. Le prieur ne s'en aperçut pas. Il était à supputer les périodes, les règnes et les âges, et à tâcher de les grouper en ce total de 1000 années dont il avait besoin pour établir solidement ses contes et prophéties. Faute de quoi, le néant d'une opinion fausse. Les systèmes n'étant que la combinaison des idées ou des mots qui leur sont analogues, ne pèsent pas lourd et ne pèsent rien, de sorte qu'ils tiennent debout sans appui. Mais la réalité qui serait à leur ressemblance s'écroulerait et ne ferait qu'un tas de ridicules décombres. Le prieur, que le jardinier suivit obligeamment, avança de quelques pas. Et puis, avec la facilité accoutumée qu'ont les religieux à prendre la pose de la prière, il s'agenouilla. Ce n'était pas afin de prier, mais de son doigt, qu'il avait mince et habile aux écritures, il traça promptement des chiffres sur le sable et les réunit au gré de sa pensée ardente. Le jardinier contemplait, avec une nonchalante curiosité, ces indices d'une présomptueuse rêverie, au terme de laquelle était possiblement la fin du monde, et songeait qu'au surplus, ni la justesse de l'évaluation, ni l'erreur ne changeraient, en aucune façon, le divin projet que l'on appelle destinée. Soudain, comme si le prieur venait de surprendre sa mémoire en défaut, il effaça l'un des chiffres et, sur le point de le remplacer par un autre, il broncha. Il se leva et s'en alla consulter les livres. Le jardinier ne le retint ni d'un geste ni d'un mot. Le jardinier souriait encore. Il attendit un peu de temps, regarda le soleil matinal rayonner dans l'air et scintiller sur la rosée. Un piaillement d'oiseaux fut la gaieté du jardin joli. Le frère Siméon prit son râteau, et à grands coups résolus, il rendit au sable, qu'avait un instant maculé les symboles vains et arrogants de la destinée, sa gentillesse d'ignorance.